à la 5e place. Alain Idioté, Baldwin Bilali. Allah l'idiote, Allah l'idiote. Ni Baldwin Bilali. Allah l'idiote, Allah l'idiote. Allah l'idiote, Allah l'idiote. Ni Mouaza wa yote, ni Mouba wa yote. Allah l'idiote, Allah l'idiote. Ni Ajibu wa yote, ni Mshidi wa yote. Allah l'idiote, Allah l'idiote. Ni Mouaza wa yote, ni Mouba wa yote. Allah l'idiote, Allah l'idiote. Ni Ajibu wa yote, ni Mshidi wa yote. Ukiwa naye utoaibika, ahadi ya Mola utodhalilika. Ushahidi mini nao, doma na kasilimu ni katoka giza. A la 4e place, Mutima wanje, Fortran Big. Mutima wanje, himba zuhoraho, niwiwa giri jizaji, shiakoze. Yemwe mahanga na mukoyo seni muze, tumushime, tumuhimbaze. À la 3e place, My Redeemer, chanté par The Sons of the Morning Star. You are my Redeemer. À la 2e place, Wahoo, Best Friend of God. À la première place, qui est aussi la chanson de la semaine. You're in the mix with DJ Prince. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79-402-336. 79-402-336. Hitamo, Best Friend of God. Itamo Yesu Kristu abugami Yesu niwe zizigiro zokubaho Itamo Yesu Kristu abugami Yesu niwe zizigiro zokubaho.